Voici votre bulletin régional. Le 5 juillet, à partir de 13h, se tient des auditions à la salle Guy-Veilleux de Crookshire en vue du spectacle qui aura lieu le 1er août. Pour plus d'informations, pour participer ou pour assister au spectacle, communiquez avec Loisirs Crookshire au 819-875-5681 ou par courriel à info@salleguy-veilleux.com.